13, 13, observation, le temps qui passe. Dernier, prochain. Passé, 1993. L'année dernière. Avril 1994. Le mois dernier. Mercredi 8 mai 1994. Mercredi dernier, la semaine dernière. Présent, mercredi 15 mai 1994. Aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci, cette année. Futur, mercredi 22 mai 1994. Mercredi prochain, la semaine prochaine. Juin 94. Le mois prochain. 1995. L'année prochaine.